Je vais te dire, petit, ce qu'ils ont fait de nous. Comment ils ont osé nous séparer de tout. Tu sais, un vieux, c'est pas qu'une bouche à nourrir. C'est beaucoup trop d'argent pour aucun avenir. Moi, j'ai connu un temps où les vieux n'étaient pas un petit coup de frein dans leur pouvoir d'achat. On vieillissait tranquille auprès de nos enfants. On n'avait pas d'asile pour parquer nos tourments. Tu sais, j'ai eu 20 ans et j'ai connu la guerre. Mon pays a servi mes illusions à terre. J'ai vu des gens tuer ce qu'ils avaient aimé. J'ai vu des gens aimer ce qu'ils avaient à tuer. J'ai vu des trains partir, des trains sans avenir, et des mains s'agripper. J'ai vu des mains mourir. J'ai vu la politique avec son air cynique condamner l'innocent pour conserver son fric. Et puis un jour nouveau sur nos vies s'est levé, sur la douleur enfouie, l'espoir s'est élevé. Nous étions des millions à dire plus jamais ça. Nous avons reconstruit pire que des forçats. À nous la belle auto, à nous les HLM. Vive les gros frigos, le crédit c'est LM. Vive l'ordinateur qui dépeuple nos têtes. Et l'euro dans nos vies qui a fait place nette. Je suis devenu vieux avant d'être fini. Quand j'ai ouvert les yeux, la société m'a dit: on ne veut plus de toi, il te reste l'exil. Tu n'es plus qu'un tas d'os, va-t'en dans ton asile. Nous étions 15 000 à pourrir, 15 000 qui aimaient la vie à en mourir, 15 000 exilés dans ce si bel été, 15 000 condamnés par votre société. Je vais te dire, petit, ce qu'ils ont fait de nous. Comment ils ont osé nous séparer de tout.